سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل ثناؤه: يا بني، في ذكر ما قاله لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله عز وجل نموتخ dans ces آيات la gravité du shirk, et que le shirk fait sortir de l'islam, et que le shirk fait sortir de l'islam, et que toute personne tombant dans le shirk sort de l'islam, qu'il soit prophète ou qu'il fasse partie de la communauté musulmane. Car Allah Azza wa Jal a dit « Walau ashraku » après qu'il ait cité les prophètes. « Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun » Et s'ils auraient associé Allah Azza wa Jal quelqu'un, il serait sorti, ou Allah Azza wa Jal il aurait rendu leurs œuvres sans hasanat. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوي شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. أي الشيخ سعدي إلى دي n'y a-t-il pas plus grand d'injustice que celui qui a été créé par Allah Azza wa Jal pour qu'il l'adore et pour l'unifier, puis ensuite se met dans le plus bas des rangs. Fi akhas al maratib. Et il se met lui-même dans le plus bas des rangs. Et s'est mis adorateur de celui qui n'adore rien. Il s'est fait certes subir lui-même une grande injustice. الظلم العظيم. إخواني في الله، il nous est important d'apprendre certaines choses qui contredisent le tawhid pour solidifier notre tawhid de toutes choses qui nous feraient sortir de l'islam. Et parmi les choses et les adorations qui peuvent être accomplies pour autre qu'Allah Azza wa Jal et qui est très répandue malheureusement dans les pays musulmans et dans notre communauté, al-dhabhu li ghayrillah. Al-dhabhu li ghayrillah. Al-dhabhu huwa iraqatu ad-dima aw iraqatu dima'il an'am taqarruban ila Allah subhanahu. Faman araqa daman li ghayrillah faqad kafar. Ay al-dhabhu, c'est faire couler le sang des bêtes pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque c'est du shirk, pour se rapprocher d'autres qu'Allah Azza wa Jal. يقول جل ثناؤه: فصل لربك وانحر. ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Aïe, le dhabh est un signe de piété. Le dhabh est un signe de piété. Allah Azza wa Jalla yaqul, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Aïe, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah Azza wa Jalla. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Et le dhabh est aussi un rite parmi les rites du hajj. Donc on comprend que si c'est un rite parmi les rites du hajj, c'est une ibadah. قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. Nous vous avons désigné les chameaux bien portants pour certains rites établis par Allah عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى après avoir cité la ayah, قل إن صلاتي ونسكي الآية قال والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله لأن فعل ذلك سبب لقيام سبب القيام بالشكر أو بشكر ما أعطاه الله من الكوثر وأجل العبادة البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر. Donc النسك في قوله قل إن صلاتي ونسكي. النسك ici, c'est dégorger pour Allah Azza wa Jal, en ayant l'intention de se rapprocher de lui, car ce sont les meilleures œuvres avec lesquelles nous nous rapprochons d'Allah. Car de par ce fait, nous remercions Allah de celle qui nous a donné. Nous remercions Allah de ce qui nous a donné. Car ajallu, comme a dit le Cheikh l'Islam, ajallu l'ibadat al-badaniya al-salah. Aïe, le plus grand rang des ibadat, des adorations que l'on peut faire avec notre corps, c'est as-salah. Aïe, le plus gros rang des ibadat al-maliya, ça veut dire se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec notre argent, c'est an-nahr. Ikhwani fillah, ce que nous venons de voir, c'est que le dhabh est une adoration qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, wa ajallul ibadat al-maliyah al-nahr. Et qui a un haut rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous comprenons par cela que toute chose qui est une adoration, il est interdit qu'elle soit faite pour autre qu'Allah. Car ceci fait rentrer la personne dans le shirk. Il est ainsi interdit de faire cette adoration pour autre qu'Allah. Comme a dit Subhanahu, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'unifier et nous a interdit de se rapprocher d'autres que lui par une des adorations qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Les choses qui sont propres à Allah Azza wa Jal, il nous a interdit d'associer Allah Azza wa Jal dans ces choses-là. Car celui qui fait cette adoration envers autre qu'Allah n'a donc pas unifié Allah dans toutes ses œuvres. Car il a fait du shirk. Il a fait du shirk. Donc, il n'a pas unifié Allah Azza wa Jal dans toutes ses œuvres. Et le prophète a maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Le prophète a maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Comme cela a été rapporté par l'imam muslim, que Ali, radiallahu anhu, a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal, il maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal. إِذَا فَهِمْنَا هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. Si on a compris ces deux choses-là, que, awalan, le dhabh est une adoration propre à Allah Azza wa Jal, et que chaque adoration, nous n'avons pas le droit de se rapprocher avec cette adoration vers autre qu'Allah. فَإِذَا فَهِمْنَا هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ نَعْرِفُ وَنَسْتَطِعُ أن نفهم جميع الصور التي ستمر بنا إن شاء الله. Si on a compris ces deux choses-là, il nous a permis de comprendre tous les cas qui découlent de Ad-Dabh, tous les cas qui découlent Ad-Dabh, et tous les exemples qui peuvent nous être amenés. Si on a compris les deux choses citées précédemment, il nous a permis de savoir si cette chose, si tel cas est du shirk, et si tel cas n'est pas du shirk et fait partie de Ibadatullahi Azza wa Jal. Idhan, la première hala, le premier cas, c'est lorsque la personne yadbahu lillahi Azza wa Jal. Ici, c'est une adoration. Ici, c'est une adoration. الحالة الثانية الذبح لغير الله كمن يذبح لغير الله عند قبر ليدفع عن الذابح قضية أو مكافأة له على نفع يعتقده الذابح. Le deuxième cas, c'est le dhabh لغير الله d'une personne qui égorge pour et auprès d'une tombe, ou soit d'une personne pieuse, comme ils peuvent dire certaines personnes qui font partie de Sophia, avec le seul but que, à travers, ou que le dhabh soit une cause pour repousser un mal, ou soit pour acquérir un bien. Dans ce cas-là, ceci fait partie du shirk billahi azza wa jal. فهنا هذه الذبيحة حرام لا يجوز أكلها وصاحب ذلك الفعل خرج من الإسلام. Celui qui fait une telle adoration en se rapprochant de cette tombe sort de l'islam. Et cette dhabiha, c'est-à-dire la bête qui a été égorgée et immolée, elle est interdite et il nous est interdit de la manger. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et celui qui fait du shirk, Allah Azza wa Jal rend niant toutes ses œuvres, rend niant tous ses œuvres. قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق عليه رحمة الله وفاعل ذلك مشرك. Il parle de celui qui égorge vers autre qu'Allah Azza wa Jal en ayant l'intention de se rapprocher de cette tombe ou l'intention que celui qui est dans la tombe lui écarte le mal. Il a dit « وَطَاعِلُ ذَلِكَ مُشْرِكَ » Et celui qui fait cette œuvre, c'est un mushrik, c'est un associateur. « خَارِجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ » Et il sort de l'islam par ce fait. يُسْتَتَابْ فَإِنْتَابْ وَإِلَّا دُرِبَتْ عُنُقُهُ. Et dans les pays الَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِشَرْعِ اللَّهِ, donc dans les pays qui appliquent la sharia, قال يُسْتَتَابْ. Et le hakim lui demande de faire tawbah. Et si il ne fait pas tawbah, il sera tué. Wa illa durbat 'unuquhu. كذلك هنا تنبيه. Il y a une remarque ici qui est importante à faire, car ces choses sont très répandues dans nos pays d'origine. Même souvent en France dans certains cas. Il est important de savoir que ici ce n'est pas toute personne qui fait ça qu'on peut dire sur lui que c'est un mouchrik. Car faire sortir une personne précise de l'islam, ceci revient aux ulama. Mais ici nous parlons en général. Par contre, ce qui nous est permis nous de faire ici dans ces cas-là, c'est de montrer à la personne qui fait ça que ceci fait partie du shirk, que ceci est du shirk, et que si il ne fait pas tawbah, on a peur pour lui qu'il sorte de l'islam. Ensuite, la deuxième chose qui en découle de ce cas, annahu لا يجوز أكل هذه الذبيحة التي قصد بها غير الله وإن كانت بسم الله. إيسي الشيخ سعد بن حمد بن عتيق عليه رحمة الله nous montre que la personne qui se rapproche d'une tombe pour que cette tombe lui rapporte un bien ou lui repousse un mal, même si cette personne se rapproche de cette tombe en ayant égorgé avec le nom d'Allah Azza wa Jal, cette zabiha, c'est-à-dire cette bête qui a été immolée, elle est haram. Elle est haram, elle est illicite, elle est illicite. Car il a voulu par son immolation, il a voulu autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc ici, son fait est suffisant pour dire que cette dhabiha, elle est haram. Donc il nous a interdit de manger cette dhabiha. قال رحمه الله والذبيحة على هذا الوجه حرام أي cet égorgement, lorsque ceci se passe, est illicite. لا يباح لمسلم أكلها. Il est interdit pour le musulman de la manger. وإن ذكر اسم الله. Même si celui qui l'a égorgé a cité le nom d'Allah عز وجل. لأنها مما أهل به لغير الله. Car il a voulu par ce fait se rapprocher d'autres qu'Allah Azza wa Jalla. كذبائح الكفار الذين يذبحونها للأصنام والشمس والكواكب. ثم الحالة الثانية. Un deuxième cas de الذبح. Qui est الذبح للجن. الذبح للجن. Faire une immolation pour les djinn. Et ceci est très très répandu. Et ceci est très répandu. Al-Mushrikoun al-Awwaloun, les premiers associateurs qui étaient à l'époque de Quraysh et avant, étaient connus pour ce genre d'adoration. Étaient connus pour ce genre d'adoration. Yaqulullah, innahum uttakhadu ash-shayatin awliya. Ils ont pris pour alliés ash-shayatin min dunillah wa yahsabun annahum muhtadun. Ils croient qu'avec ce fait, ils sont sur la guidée. وقال بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Allah عز وجل nous montre qu'ils adoraient le djinn et que la plupart croyaient en eux. Ils faisaient, et ces mouchriquins, ceci par peur de leur mal. Ils faisaient ceci par peur du mal des djinns. Et pour que ceux-ci ne leur fassent pas de mal, ou encore parce qu'ils donnaient des informations de l'invisible. Car le djinn, il voit des choses que nous ne voyons pas, que nous ne voyons pas nous. Toutes ces choses-là sont des causes qui amènent certaines personnes à égorger pour le djinn. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous a montré et nous a donné une cause pour éviter de tomber dans cette peur, pour éviter de tomber dans cette peur ou pour avoir une croyance envers le djinn. Allah Azza wa Jal يقول في كتابه الكريم قل أعوذ برب الفلق ويقول قل أعوذ برب الناس. Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous réfugier auprès de lui. Car il n'y a que lui qui est capable de repousser tout mal ou de nous faire acquérir un bien. Ceci est une petite parenthèse sur الذبح للجن. Ensuite, هذه الحالة في الحقيقة تدخل في الحالة الأولى. Si on a compris le premier cas, et en vérité ce cas rentre dans le premier cas, car c'est une immolation, un égorgement qui est fait envers autre qu'Allah Azza wa Jal et qui a pour but de se rapprocher d'autre qu'Allah. Donc, ce cas aussi rentre dans le premier. Ici, ce cas a été cité pour montrer ce que beaucoup de gens font aujourd'hui pour se rapprocher des djinns. Lil Asaf et Shadid. Ce qui est très répandu ici au Maroc, par exemple, c'est que beaucoup de gens, avant d'emménager dans une maison, ils immolent une poule ou autre pour les djinns, pour éviter que les djinns entrent cette maison et pour éviter que les djinns leur fassent du mal. Et ceci est une dhabiha li ghayrillah. Ceci fait rentrer dans le shirk billahi azza wa jal. Aussi, un autre cas qui rentre dans ce cas, c'est ce que font beaucoup de personnes qui vont voir les voyants et les sorciers. Car un sahir, ou soit un voyant, n'a pas d'information sur l'invisible. Et toute autre chose qui découle de ce monde-là, c'est-à-dire la sorcellerie, que lorsqu'il se rapproche des djinns, que lorsqu'il se rapproche des djinns. C'est pour cela que beaucoup de ceux qui vont voir ces personnes-là pour guérir une maladie ou pour que les personnes qui sont habitées par les djinns, ils vont voir ces personnes-là pour faire sortir les djinns d'eux ou soit pour se faire guérir d'une maladie ou pour que le djinn ne l'approche pas ou pour que le djinn leur approche pas, ou pour enlever un sihr, ou pour enlever un sihr, pour enlever une sorcellerie. Beaucoup de ces voyants, ou soit de ces sorciers, si ce n'est tous, leur demandent, parmi les choses à laquelle ils leur demandent, c'est de faire une immolation. C'est de faire une immolation. Et ceci, après être rentré dans l'apostasie et d'avoir d'être parti voir le sahir, ou soit le djinn, et de l'avoir cru, il commet une autre chose qui fait sortir de l'islam, et qui est al-dabh, et qui est al-dabh li ghayrillahi azza wa jal. Al-halatu thalitha, un troisième cas qui était répandu à une certaine époque dans notre communauté. C'est الذبح للسلطان. الذبح للسلطان. C'est-à-dire qu'ils immolent une bête lorsque le gouverneur passe. De peur de ce gouverneur. Lorsqu'il passait, ils immolaient une bête pour lui. Et ici, ceci fait partie, كذلك, du ذبح لغير الله ذو الذبح لغير الله. الحالة الرابعة لو كاتريام كا الذبح للصلح. Lorsque dans les pays musulmans il y avait encore les tribus, et c'est le cas encore dans certaines tribus au Yémen, lorsque deux tribus se combattent, souvent pour éteindre ce problème qu'il y a entre les deux tribus, certains leur disent à une des deux tribus de faire un dhabh lis-sulh, c'est-à-dire d'immoler pour que le chef de la tribu qu'il combat agrée ce dhabh, puis ils arrêtent de se battre. في هذه الحالة العلماء اختلفوا. Dans ce cas précis, les ulama, ils ont divergé. Car certains, ceux qui disent que ça fait pas partie, que cela ne fait pas partie du shirk al-akbar, pour eux ici, ils se rapprochent d'Allah pour que la tribu contre qui il combat arrête et cesse de combattre contre lui. وفي الحقيقة سذبح كما قال الشيخ النجمي عليه رحمة الله في partie du shirk al-akbar. في الحقيقة سذبح في partie du shirk al-akbar. Car Il a cité qu'il ne voit pas de différence entre ce dhabh et le dhabh qui est fait pour les djinns. Il ne voit pas de différence entre ce cas et le cas où certaines personnes égorgent pour les djinns. وكثير من العلماء وبكثير من savants disent que ceci est une bid'a, disent que ceci est une bid'a. منهم الشيخ المقبل عليه رحمة الله وشيخنا يحيى حفظه الله. ثم بعد هذه الحالات ينبغي للمسلم أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فيسد جميع أبواب التي قد تؤدي إلى الشرك عملا بحديث ثابت بن الضحاك الذي أخرجه أبو داود. المسلم il lui convient d'être une personne qui ferme la porte au mal et qui est une personne qui ouvre vers le bien en mettant en application حديث ثابت بن الضحاك qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud, alayhi rahmatullah. Et le hadith est authentique. Thabit ibn Dahhak a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faqala, nadara rajulun an yandara ibilan bibuwana. Une personne a fait le souhait de d'immoler un chameau bibuwana. Bouana, c'est un endroit. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ Est-ce que dans cet endroit il y avait ou il se produisait des adorations qui étaient faites pour autre qu'Allah عز وجل؟ قالوا لا. Les personnes qui ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit « فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ » Est-ce qu'il se produisait une fête à cet endroit, à une fête que les associateurs faisaient à leur époque ?« قَالُوا لَا فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ » Lorsque, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait posé ces questions, et que les personnes qui lui ont posé la question ont répondu négativement à ces questions, il lui a donc dit « Accomplis ton vœu, car le vœu n'est pas accepté, fi ma'siyatillah, lorsque c'est fait dans un péché. » Ce que l'on sort de ce hadith, et ce que le ulama sort de ce hadith, et ce que l'on comprend de ce hadith, c'est que même si une personne a l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il ne lui est pas permis de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal dans un endroit où il y avait des personnes qui se rapprochaient d'autres qu'Allah. Comme un endroit par exemple où il y avait une tombe qui était adorée, ou un endroit où les personnes se réunissaient sous un arbre, etc. Toutes ces choses-là, il ne nous est pas permis de faire le dhabh dans ces endroits-là. Il ne nous est pas permis de faire le dhabh dans ces endroits-là. Car ceci peut ouvrir la porte au shirk. Ceci peut ouvrir la porte au shirk. Et il est important pour nous de savoir ceci. Car al-awam, certaines fois, lorsqu'ils sont conseillés sur ces choses-ci, ils disent, moi j'ai vu un barbu descendre dans cet endroit-là. Moi j'ai vu un barbu descendre dans cet endroit-là. Ceci, c'est une chose très répandue. Et ça ouvre la porte du mal pour les awam. Pour les awam. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas ces choses-là. Et lorsqu'elles lui sont montrées, il lui est difficile de comprendre lorsqu'il voit certaines personnes qui, d'apparence, font partie des gens pieux faire ces choses-là dans des endroits qui sont faits uniquement pour shirk, qui sont faits uniquement pour shirk. وهنا فائدة نستفيدها في الختام أن ذبائح أهل الكتاب c'est-à-dire ce que les gens du livre, اليهود والنصارى lorsqu'ils égorgent en citant le nom du Messie ou en citant le nom de Uzair. Est-ce que ici, il nous est permis de manger cette dabiha? Est-ce qu'il est, il nous est permis de manger celle-ci? Ici, les savants ont divergé. Et la cause de cette divergence, c'est deux ayats, deux versets qui sont globales. Le premier verset, Allah Azza wa Jalla yaqul wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismu Allah alayh. C'est-à-dire qu'il ne nous est pas permis de manger une chose où il n'y a pas été cité le nom d'Allah. La deuxième ayah fi sourate Al-Ma'ida, Allah yaqul wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum. C'est-à-dire ce que Ahlul Kitab ont immolé ou égorgé est licite pour nous. Al-Imam Al-Mufassir Al-Shanqiti alayhi rahmatullah fi Adwa' al-Bayan a expliqué cette mas'ala, a montré la divergence et a montré les ambiguïtés qu'il faut éviter. Et a montré aussi que, fil haqiqa, en vérité, cette zabiha, elle est muharrama. Et ceci est l'avis le plus juste. Car il n'a pas cité le nom d'Allah. Et il s'est rapproché d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Donc il ne nous est pas permis de manger cette zabiha. Ceci en réponse à ce que on entend parfois comme quoi il nous est permis d'aller manger pour ceux qui se trouvent fi bilad al-kuffar, comme quoi il nous est permis dans les pays de mécréance d'aller manger au McDonald's ou d'acheter la viande dans les supermarchés. Alors qu'ils n'ont pas du tout compris cette chose-là. Mais plutôt qu'ils veulent suivre leur passion dans ces choses-là. Car, awalan, Ahlul Kitab, à nos jours, surtout en France, ils sont très peu. La plupart sont athées, déjà, de un. De deux, ils n'égorgent pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas couler le sang. Ils les font tuer les bêtes à partir d'électricité. Donc, comment ces personnes qui disent ça, si elles ont dit ça, arrivent à dire qu'il nous est permis de manger dans ces endroits-là? Donc, ceci sont certains exemples, et non tous les exemples qui sont en rapport avec Abdabh. Mais, si on a compris les deux premiers points qui ont été cités, c'est-à-dire que Al-Dabh est une adoration. Et le deuxième point, c'est que si c'est une adoration, il ne nous est pas permis de se rapprocher avec cette adoration envers autre qu'Allah. Si on a compris ces deux points-là, il nous est permis donc de savoir tous les cas à lesquels on a affaire lorsqu'on a affaire au dabh. Car il y a beaucoup de cas. Ceci, ce qui a été cité, sont les cas les plus connus et des cas qui reviennent souvent dans les questions posées envers les gens de science. وفي الخاتمة أنه أوصي نفسي وإياكم de donner une très grande importance au tawhid. Une très grande importance au tawhid. Car ce sont des choses, ce que nous vont devoir sont des choses malheureusement très répandues dans nos pays. Ici, lorsque je suis revenu du Yémen, malheureusement, dans le village natal de mes parents, un de mes cousins m'a raconté une histoire. C'est que les gens en arrivent à faire du shirk, même pour protéger du mal leur voiture. Il m'a dit, j'ai vu un coup une femme tourner avec une brebis autour de sa voiture. Et la voiture qui était neuve. فهذا الأمر عجيب جدا. Ceci fait partie des choses qui sont très très très étonnantes de la part de personnes qui se disent musulmanes. Car le tawhid, c'est asm al-din. Le tawhid, c'est la chose qui est obligatoire à tout musulman de savoir. Quelle sera l'excuse de cette personne al-yawm al-qiyamah ou yawm al-qiyamah lorsque Allah Azza wa Jal l'interrogera? S'il ne savait pas, quelle sera son excuse de ne pas avoir à prendre les choses qui lui sont les plus importantes dans sa vie? Donc ces choses-là qui sont très importantes, As-Salafi, c'est lui qui prend cette responsabilité, le premier. Et c'est lui qui est plus concerné sur ces choses-là. ونسأله سبحانه وتعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الشرك والمحدثات والبدع والخرافات التي أتعبت المسلمين ومزقت المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله نقف هنا. On s'arrête ici. بارك الله فيكم.